Le souterrain de l'apparence. Le souterrain de l'apparence. Les mots volants dans l'air assonnent la pesanteur que je leur mets, et tout espoir que je leur donne reçoit les plumes du regret. La lune morte aux cornes grises veille les astres et les bises sous le regard des tourterelles. Et ce monsieur, qu'il ne résiste à faire l'amour dans des mots tristes sur l'écran vert de ses prunelles. L'ombre en orange qui n'occupe que la sagesse d'être au loin se rétrécit, peut-être dupe de ce qu'on adresse à son coin. Mais que les ombres ont de peine à boire le sang de toute veine au souterrain de l'apparence. Que les ombres ont de peine à boire le sang de toute veine au souterrain de l'apparence. Peut-être le feu qui les dort au fond d'elle-même déplore cette coupure d'intelligence. Le souterrain de l'apparence. Le souterrain de l'apparence. Le souterrain de l'apparence. Le souterrain de l'apparence. Le souterrain de l'apparence.